Chapitre 3e. Le grand jour de la foire de Sinagalia est le 22 juillet. Dès la veille au soir, il y eut un redoublement de vacarme. On dansa des tarentelles sous ma fenêtre jusqu'à minuit, et les passants s'invitaient eux-mêmes à ce bal improvisé. L'orchestre, composé de piferari venus de Rome, tirait de ses instruments des sons à déchirer le tympan. Après le départ des fifres, les guitares sonnèrent l'accompagnement d'une improvisation où Brennus, les Gaulois, Jules César et Sainte-Madeleine se rencontraient dans une longue suite de rimes en octaves. La danse avait cédé le pas à la poésie. Vers 3 heures, cette épopée se trouvant finie, j'espérais clore l'œil, quand un vieillard et une petite fille vinrent chanter, sur un mode sépulcral, un duo religieux dans lequel le bon Dieu assurait sur l'honneur qu'il était tout-puissant et éternel. Bientôt l'Angélus annonça le lever du soleil, et les pétards s'unissant aux cloches, il fallut saluer avec tout le monde le jour consacré à Sainte-Madeleine, patronne de la ville. Un mouvement extraordinaire régnait déjà dans les rues. Quelques personnes, dont la brise du matin éveillait l'appétit, mangeaient en plein air et se faisaient des niches d'écoliers comme en carnaval. Par une petite lucarne, un bon bourgeois d'une figure grave descendit un panier attaché au bout d'une ficelle et se mit à débattre avec plusieurs fruitières à la fois le prix d'une livre de cerises. Après bien des cris et des signes télégraphiques, lorsqu'enfin on tomba d'accord et que la livre de cerises fut pesée, le bourgeois fit remonter son panier vide et referma la lucarne, enchanté de sa mystification. C'était une façon de payer son tribut à la joie générale. L'affiche illustrée du théâtre de Tampicelli annonçait les débuts d'une jeune première de grande espérance sous le nom de la Marietta. Dans la pièce du Re Orso, comédie féerique du célèbre poète Carlo Gozzi. Je compris que ce devait être le roi serf de Gozzi, dont on avait fait un ours, probablement parce que la troupe ne savait comment représenter un cerf, et qu'elle avait une peau d'ours dans son magasin. À l'ouverture du bureau, j'aperçus maître Joseph distribuant des billets à 4 ou 5 bourriens de son espèce au milieu de la place publique. Dans l'intérieur de la salle, je reconnus encore sa redingote jaune sur le dernier granat des secondes places d'où il faisait des signes de connivence à d'autres spectateurs de mine patibulaire. Le roi serf est une des meilleures pièces féeriques de Carlo Gozzi. Déram, roi de Sérendipe, le plus aimable et le plus beau prince de l'Orient, cherche une femme sans pouvoir la trouver, car il veut être sûr, avant de se marier, que sa fiancée l'aime véritablement. À cet effet, un magicien de ses amis lui a donné une pagode en bois doré, qui sourit et fait des grimaces lorsqu'une belle, alléchée par la couronne de Sérendipe, feint un amour qu'elle ne ressent point. Grâce à ce présent funeste, Déram, tout charmant qu'il est, court le risque de vivre et de mourir dans le célibat. 400 jeunes filles, qui toutes prétendaient adorer leur monarque, ont déjà subi l'épreuve, et toujours la pagode, placée dans le cabinet du prince, a dénoncé par son rire sardonique l'ambition cachée au fond du cœur et le mensonge des tendres paroles. Une seule personne aime réellement le roi, et précisément parce qu'elle l'aime, elle redoute cet examen que tant d'autres ont recherché. C'est la vénitienne Angela, fille chérie de Pantalon, ministre des Finances. Son tour étant venu de subir l'épreuve, il faut qu'on la traîne de force dans le cabinet du roi. Au lieu des protestations d'amour auxquelles il est accoutumé, Déram s'étonne de voir cette belle enfant trembler de tout son corps et pleurer à chaudes larmes. La pudeur offensée d'Angela éclate en doux reproches. « Oh, mon prince, dit la jeune vénitienne, quel besoin aviez-vous de m'infliger cette humiliation ? S'il fallait donner ma vie pour vous, j'en ferais le sacrifice. Mais ne pouviez-vous me laisser l'estime de ce monde injuste et cruel qui va m'accabler quand vous aurez publié votre dédain pour moi ? Faites au moins que cette épreuve soit la dernière et que d'autres filles innocentes, d'autres cœurs honnêtes ne soient plus exposés à pareil affront. Permettez ensuite que je retourne dans mon pays pour y cacher ma honte et mon chagrin. C'est la seule grâce que je vous demande. » Déram regarde la pagode et voyant qu'elle ne rit pas. Il prend les mains de la jeune fille et lui pose la couronne sur la tête en s'écriant « Oui, cette épreuve sera la dernière, car il y a désormais une reine à Sérendipe. » À peine le mariage est-il célébré, que Déram se sent possédé d'une fantaisie bien plus singulière et plus funeste que la première. Est-ce pour ses vertus, pour ses qualités que sa femme l'aime ou seulement pour sa figure? Si son âme habitait un corps moins jeune et moins beau, Angela l'aurait-elle préféré? Le magicien Durandarto lui-même ne sait que répondre à cette question saugrenue. Mais pour contenter cet esprit si ingénieux à se tourmenter, il donne au prince une formule kabbalistique au moyen de laquelle son âme pourra s'introduire dans tous les cadavres qu'il lui plaira de ressusciter. Là-dessus, Déram part pour la chasse, déterminé à revenir au palais sous la figure de quelque homme du peuple. Cependant, Tartaglia, bègue et stupide, quoique premier ministre, a deux raisons également bonnes de haïr son maître. Il aurait voulu faire épouser à Déram sa fille, que la pagode a rejetée. En outre, le vieux drôle se permet d'être amoureux de la reine. La vengeance et la jalousie le poussant, Tartaglia guette l'occasion d'assassiner son maître. Les bois et la chasse lui paraissent favorables à son coupable projet. Il suit le prince pas à pas. Déram et le ministre arrivent seuls dans un site pittoresque, où un cerf atteint d'un coup de feu vient tomber mort. Pour essayer la puissance de sa formule kabbalistique, le roi conçoit l'idée de passer, pour un instant, dans le corps de cet animal. Tartaglia, qui a l'imprudence de consulter, l'engage pour faire cette expérience. Le roi prononce les paroles magiques à l'oreille du cerf, qui se ranime peu à peu, et le corps de Déram tombe sur la terre, privé de mouvement. Aussitôt, le traître Tartaglia, qui a retenu la formule, s'empare de la dépouille royale, il passe dans le corps de son maître, si décidé à n'en plus sortir qu'il fait célébrer ses propres funérailles, et pour se débarrasser à jamais de Déram, il ordonne un massacre général de tous les cerfs dans les forêts du royaume. Quelle est la surprise de la belle Angela en voyant son cher époux revenir de cette fatale partie de chasse bègue et stupide. Tartaglia, sous la figure du prince, a conservé non seulement son odieux caractère, mais encore son vice de prononciation. La reine, qui ne reconnaît plus ni l'esprit ni les nobles sentiments de son époux, se querelle avec lui et le chasse de son appartement. Pendant ce temps, Déram échappe au carnage des cerfs en se glissant dans le corps d'un pauvre bûcheron qu'il a trouvé mort de froid dans la forêt, ce qui prouve qu'il y a des malheureux jusque dans le royaume fortuné de Serendip. Sous la peau de ce bûcheron, Déram vient demander l'aumône à la porte du palais, et la reine, guidée par un secret pressentiment, se prend de passion pour ce mendiant, au grand scandale de Tartaglia qui commence à murmurer des caprices de sa femme. Sur ces entrefaites, une petite chienne, que la reine aimait beaucoup, vient à mourir en mal d'enfant. La belle Angela s'amuse à exagérer son chagrin. Elle pleure, elle trépigne, elle fait enrager ses femmes et traite son époux comme un balai. Tartaglia en perd la tête. Pour apaiser un moment cette douleur frénétique, il imagine de ressusciter l'animal si regretté en lui prêtant son âme. Sous la forme de la chienne favorite, il espère aussi obtenir de cette vénitienne fantasque les caresses qu'elle lui refuse. Mais à peine Tartaglia est-il sorti de son enveloppe royale que Déram aux aguets rentre en possession de son corps. Il étrangle la chienne et raconte à Angela tous les événements mystérieux qu'elle n'avait pu comprendre et dont l'enchanteur Durandarto vient confirmer l'explication. Déram, corrigé de son inquiétude d'esprit, laisse Angela l'aimer à sa guise. Et pour remercier le magicien, il met à la disposition de ce savant personnage sa fortune et son royaume de Serendip, à quoi répond Durandarto « Gouverner n'est pas mon métier. C'est assez de changer les hommes en bêtes et les bêtes en hommes pour divertir l'honorable assistance. Avec la pièce finit mon pouvoir surnaturel. Et vous, messieurs et mesdames, si nos métamorphoses ont eu l'art de vous plaire, accordez par un signe de vos mains à l'enchanteur et au poète la récompense de leur sortilège. » Sauf quelques variantes et le changement du cerf en ours commandé par les difficultés de la mise en scène et l'état du vestiaire, la troupe de Tampicelli représenta exactement ce conte de nourrice écrit en vers blanc. Lorsqu'Angela, guidée par Pantalon, fit son entrée avec son costume neuf à l'ancienne mode de Venise, sa beauté, sa jeunesse et sa fraîcheur éblouissante produisirent une sensation profonde. Un frémissement de plaisir, plus flatteur que les applaudissements, parcourut tous les rangs de l'auditoire. Le trouble et l'émotion inséparables d'un début tournèrent au profit de l'actrice quand la jeune première fut amenée tremblante devant le roi Déram. Mais au premier vers qu'elle récita, j'entendis cette espèce de chant monotone et cadencé dont on ne sort plus une fois qu'on s'y est engagé. Cette fille, si simple hors de la scène, en prenant le diapason du théâtre, n'avait plus ombre de naturel. Toutes les inflexions se ressemblaient. Le hasard ou la coupe du verre décidait du sens des phrases, dont l'oreille déroutée perdait souvent le fil. Cependant, le public, peu difficile, écoutait patiemment. Et il n'aurait peut-être pas remarqué l'ennui et le ridicule de ce récitatif si des gens malveillants ne l'eussent averti. Un bâillement affecté, parti du fond de la salle, excita des rires étouffés. Bientôt, une voix de fossé imita les intonations de la jeune première. Des amis imprudents voulurent applaudir. Ce fut le signal des sifflets. Maître Joseph, debout sur sa banquette et armé d'une clé, dirigeait la cabale. Maria joua son rôle jusqu'au bout avec un véritable courage, et dans la scène où Angela devient capricieuse et fantasque, je crus remarquer à travers la tempête quelques intentions heureuses, quelques éclairs d'intelligence et de comique. Mais il n'était plus temps, le public n'écoutait plus, et cherchait dans le bruit et les huées un dédommagement au spectacle manqué. Lorsque la salle fut évacuée, je montai sur le théâtre. J'y trouvai la Marietta dans le plus affreux désespoir. Elle cachait son visage dans ses mains, et de grosses larmes coulaient entre ses doigts. Le directeur, assis près d'elle sur un banc de bois, tâchait de la consoler. « Ne pleure point, ma belle, » disait-il. Une cabale était organisée d'avance contre tes débuts par quelques envieux des succès de notre compagnie. Il est fâcheux que tu aies vu, dès le premier jour, le revers de la médaille. Mais tu connaîtras aussi le bon côté. Il n'y a pas un de nous à qui pareille disgrâce ne soit arrivée. Voici notre ami le seigneur français qui te dira comme moi que tu n'as point du tout mal joué ton rôle. » Le capot comico me faisait signe de venir à son aide. Je gardais le silence. Un dernier brouhaha mêlé de sifflets parvint encore aux oreilles de Maria. « Les entendez-vous ? » dit-elle en frappant du pied. « Ils me sifflent jusque dans la rue. » « Hélas, mon bon Tampicelli, c'est vous qui m'avez attiré cet affront, en me poussant sur ce maudit théâtre où je n'osais pas monter. Cette épreuve cruelle sera la dernière. Je n'aurai pas le courage de m'exposer une seconde fois aux insultes de vos ennemis. » « Maria, dis-je, pourquoi ne parliez-vous pas ainsi tout à l'heure, quand vous teniez à peu près le même langage au roi des rames ? Votre accent est simple et touchant à cette heure. D'où vient que sur la scène vous n'aviez plus ces inflexions justes et naturelles ? Vous trouvez donc que j'ai mal joué ? S'écria la jeune fille avec vivacité. Vous trouvez donc que j'ai mérité les sifflets et les huées ? Je ne dis pas cela, mais je doute que vous puissiez devenir une bonne comédienne. Oh, alors ? Reprit-elle. « Tout est dit. Je renonce au métier. Je retourne à ma boîte de parfumerie et à mon commerce. Je repars pour Venise, Vérone et Milan. Je me suis trompé, voilà tout. Cette leçon me servira. Je vous remercie de votre sincérité. À présent que mon parti est pris, je me sens plus calme. Je vais dormir. » « C'est cela, » dit le capo comico. « Va dormir, ma fille. Nous en reparlerons demain. » Et lorsque la Marietta se fut retirée, Tampicelli ajouta « Elle resterait au théâtre si on l'eût applaudi. Elle restera, parce qu'on l'a sifflée, pour prendre une revanche et nous fera en sorte qu'elle triomphe de la cabale. Le théâtre est comme le cabaret, qui a joué, jouera. » Le lendemain de grand matin, dans une méchante auberge où la jeune première occupait, au fond d'un corridor sombre, une chambrette dont elle avait corrigé l'aspect misérable à force d'ordre et de propreté, quelqu'un frappa doucement à la porte disloquée. Pensant que ce devait être la servante, Maria ouvrit le verrou. Une tête chauve et ridée parut, et l'homme à la redingote jaune entra en souriant d'un air couteleux. « Que me voulez-vous ? » demanda la jeune fille un peu effrayée. « Ne craignez rien, ma chère enfant, » répondit Joseph en s'asseyant dans un coin. « Je l'aime, la petite marchande. Je m'intéresse à la gentille comédienne. Je lui veux du bien, beaucoup de bien. Voilà ce qui m'amène. » « À qui en avez-vous ? » reprit la Marietta. « Est-ce à la marchande ou à la comédienne ?»« Le titre n'y fait rien, ma mignonne. Marchande ou comédienne, votre gracieuse petite personne est toujours la même. Donne, vous n'avez point réussi au théâtre Tampicelli. C'est un malheur, dont la beauté, la jeunesse et d'autres succès effaceront le souvenir. Mais je me suis dit ce matin, la pauvrette doit avoir du chagrin. Elle pleure de ses beaux yeux. Allons la consoler. » « Il n'est pas en votre pouvoir de me consoler. »« Peut-être. Qui le sait ? La consolation, elle ne voyage pas, comme un prince avec un courrier devant son carrosse. Elle ne se fait pas annoncer au son du cor. Elle souffle, comme le vent, du côté où on ne l'attendait point. Et elle zeste, elle entre à l'improviste. Eh bien, dépêchez-vous donc de me consoler, au lieu de faire tant de bavardage. Sang de la madone! Il n'y a pas une de mes paroles qui ne pèse un grain d'or. Et vous appelez cela des bavardages? Écoutez-moi bien, ma toute belle. La fiera va finir dans 8 jours. Les étrangers réunis à Sinagalia vont s'éparpiller comme des oiseaux. Aujourd'hui, on les voit. Ils mettent la main à la poche. Ils en tirent de bons écus, qu'ils distribuent pour leur plaisir. Et puis demain, on ne les connaît plus, on ne sait où ils sont. L'occasion s'est envolée, et les écus avec elle. Parmi ces étrangers, il se trouve de jeunes cavaliers riches, discrets et généreux. 4 napoléons d'or qu'on te prêterait à condition de ne jamais les rendre. Serait-ce donc une si mauvaise affaire? Le combinateur fit une pause en attendant l'effet de cette insinuation. Mais comme la jeune fille se taisait, il ajouta « Quand je dis 4 napoléons, c'est le moins qu'on puisse espérer. Avec ma longue pratique, je saurais extirper, si tu me secondais, le double de cette somme. Quoi? Tu restes muette? Eh bien, tranchons le mot. Le seigneur cavalier irait jusqu'à 10 pièces d'or. Compte sur tes doigts, si tu peux, combien il faudrait vendre de 100 épingles pour réaliser un tel capital. Toute ma pacotille, dit l'ingénu, ne vaut pas 50 livres de France. Avec le capital dont vous parlez, je pourrais acheter la charge de première calnarine dans une auberge ou dans une birrerie à Trente ou à Bolzano. Mais quelle apparence qu'un étranger, même riche et généreux, me prête une si forte somme sur ma bonne mine et sans condition? Il y a une petite condition, mais elle coûte si peu. Et laquelle? Peste soit de l'innocence, murmura le combinateur, puisque tu ne devines point. Je vais donc parler clairement. Il ne s'agit que d'être pendant 1 jour ou 2 la sposina du seigneur cavalier. Les joues de la tyrolienne prirent subitement la couleur de 2 grosses pêches. « Je comprends, dit-elle, ce que vous entendez par ce mot de petite épouse. Voilà donc les consolations que vous m'apportez. Allez dire à celui qui vous envoie qu'avant de descendre si bas, je me plongerai 10 fois ce couteau dans le cœur. Et maintenant que je sais qui vous êtes, sortez d'ici à l'instant. Votre présence n'est pas un danger pour mon honneur, mais elle pourrait nuire à ma réputation. » « Ne vous échauffez pas, répondit Joseph en ricanant. Je m'en vais. « Belle Angela, poursuivez le cours de vos succès de théâtre, après les sifflets, les pommes cuites et les oranges. »« Tu m'as donc sifflé, misérable ?» s'écria la Marietta. « En effet, il me semble que je t'ai vu parmi les cabaleurs avec ta Lévite jaune. Puisque je te tiens, il faut que je me venge. Tu ne sortiras pas d'ici sans emporter un souvenir de ma colère. » Avec l'agilité d'une chatte, la jeune première sauta au visage de l'homme à la redingote jaune et lui enfonça ses ongles dans le faciès. Maître Joseph leva le poing pour se défendre, mais tout à coup la montagnarde se trouva d'un bond à l'autre bout de la chambre. Sur une table où étaient son livre de comptes et ses papiers, la Marietta saisit un encrier de liège qu'elle lança de toutes ses forces à la tête du combinateur. Le projectile atteignit Maître Joseph sur le nez, et l'illustre redingot jaune fut taché d'encre en 20 endroits. Devant un ennemi si redoutable, il fallut lâcher pied. Le mercure ouvrit la porte et la referma derrière lui. Mais on connut qu'il n'avait point d'aile au talon, car le bruit de ses galoches résonna lourdement, accompagné d'une querelle d'imprécations dans les ténèbres du corridor. Il est à remarquer, pour l'honneur des mœurs italiennes, que les combinateurs ne font point fortune. Les gens du pays ne veulent pas de leurs services. S'ils ne trouvaient à duper quelques étrangers assez novices pour croire à leurs histoires, ils ne gagneraient pas l'eau qu'ils boivent. Maître Joseph, n'ayant pas une garde-robe aussi variée que celle du marquis de Moncade, eut recours au savon pour réparer le dégât de sa lévite, mais il ne réussit qu'à étendre davantage l'encre en la délayant et à fondre agréablement les contours des taches. Quand il eut hoché la tête en maudissant la vertu farouche de la Marietta, il remit tranquillement sa redingote avariée pour retourner à ses affaires. Une grêle de colibelles assaillit au café de la rue Maestra. Il ne s'en émut pas le moins du monde, et il fit bien, car au bout d'un quart d'heure, on ne s'occupait déjà plus de lui. Cependant, le seigneur américain fut choqué de cette tenue malséante. « Joseph, dit-il avec sévérité, pourquoi êtes-vous ainsi marqué de noir des pieds à la tête ?»« Excellence, répondit le combinateur, c'est un moyen de me faire reconnaître de loin. Les plagiaires qui me volent tous mes expédients n'auraient point inventé celui-là. » « Oh ! » reprit l'étranger, Cette idée est détestable. Allez changer l'habit tout de suite. À quoi bon, Excellence ? Je ne veux pas que mon messager ressemble à une panthère, entendez-vous ? Excellence, je n'ai pas d'autre habit. À moins que votre seigneurie ne m'avance une pièce d'or sur notre grand contrat. Le véritable Joseph court le risque d'être à jamais moucheté. Voici une pièce d'or. Allez changer d'habit. Pour vous obéir, Excellence. Mais auparavant, votre seigneurie daignera m'écouter si je lui communique d'heureuses nouvelles. Je savais bien que la Marietta rabattrait de sa fierté quand nous l'aurions sifflée pour nos 12 sous. Elle en a rabattu. Je ne vous avais pas commandé de la siffler, Joseph. Il est vrai, Excellence. J'ai pris cela sur moi. Le résultat a dépassé mes espérances. La petite s'est adoucie, apprivoisée comme un agneau. Tout a été convenu pour le dernier jour de la fiera, à 1 heure avant midi. C'est un peu matin, mais nous sommes comédiennes, quoique sifflées. Le soir appartient à l'art dramatique. Donc, jusqu'au moment fixé, ne vous occupez de rien, ne vous inquiétez plus, ne bougez, ne dites mot. Vous gâteriez tout, Excellence. Attendez en paix. Attendez ce qui ne peut manquer d'arriver. J'attendrai, Joseph, et je vous commande à présent d'applaudir la Marietta. Comme il vous plaira, Excellence. Voulez-vous qu'elle soit rappelée 24 fois sur la scène au milieu d'une pluie de fleurs ? Je veux bien. 15 billets de 12 bayocs pris d'avance au bureau suffisent pour organiser un triomphe complet. C'est l'affaire d'une piastre et demie, sans compter le prix des bouquets. Je donne 2 piastres. La Frezzolini et la Ristori sont éclipsées, dit le combinateur en empochant l'argent. Surtout, ne vous montrez point, Excellence. Pas un mot, pas un signe. Nous tenons beaucoup à la discrétion. Je ne dirai pas un mot. Allez changer d'habit. Comme l'avait prévu le capo comico, la Marietta consentit à paraître une seconde fois dans la pièce du roi ours. Les cavaleurs se retrouvèrent à la porte, mais le mot d'ordre était différent. Sans se concerter avec les amis de la direction, ils portèrent au nu ce qu'ils avaient insulté la veille. Une triple salve accueillit la jeune première à son entrée. Toutes ses tirades furent applaudies. On la redemanda entre chaque acte, et à la fin du spectacle, elle fut rappelée 24 fois sur la scène, ni plus ni moins, selon la promesse de Maître Joseph. La pluie de fleurs fut un peu maigre, mais on se rattrapa sur les cris, les trépignements et les foiras qui ne coûtaient rien. C'était un bruit à faire crouler la salle, et quand le rideau tomba pour ne plus se relever, la Marietta, palpitante et ivre de joie, se jeta dans les bras de son directeur. Le moment eut été mal choisi, pour répéter mes avertissements sur les périls et les déboires de la vie d'artiste. Mes félicitations auraient été noyées avec tant d'autres que je les crus inutiles. Ce fut la Marietta qui m'envoya demander le lendemain par une fille d'auberge pourquoi on ne me voyait pas. Je me rendis à l'invitation. La Smeraldine était descendue d'un étage. Dans une vaste chambre, assise auprès d'un directeur sur un canapé mangé de verre, devant un guéridon taché de graisse, l'idole du public achevait sa collation. Elle me tendit la main et me dit avec une gaieté charmante « Quel dommage que vous arriviez si tard. Vous auriez entendu tout à l'heure le seigneur Tampicelli me dire des douceurs à mourir de rire. Vous ne savez pas, je suis un soleil, une perle, un jasmin. La fortune de la compagnie et la mienne dépendent de moi. Il faut que j'aie soin de ma personne, comme si j'étais devenue tout à coup une petite comtesse de Vienne, sujette aux attaques de nerfs, ou une princesse de Milan bien pâle et bien blasée, mettant à l'épreuve la patience d'un Sigisbée, d'un Patito et de 3 ou 4 secrétaires intimes. Bientôt je vais vous donner des commissions, des lettres à porter, des emplettes à faire. Mais priez donc notre directeur de recommencer ces belles phrases. » Tampicelli riait du bout des lèvres, et l'ingénue ne songeait pas qu'elle s'égayait peut-être sur les préludes d'une déclaration d'amour. « J'ai quelque envie, reprit-elle, de faire la signora et l'enfant gâté, d'avoir des petits chiens, une chaise à porteur, une habilleuse, un balcon sur la rue avec un sofa et des pots de fleurs, de changer 3 fois de toilette par jour et de manger à la française. J'inviterai mes amis à venir prendre le chocolat. » « Ayez tous les soirs l'ovation d'hier, dit Tampicelli, et l'on vous passera vos fantaisies. » La troisième représentation du Re Orso, sans être aussi brillante que la seconde, fut encore assez belle et assez lucrative pour satisfaire le directeur. La Marietta crut tout de bon sa fortune faite. Tampicelli lui démontra qu'une personne de son mérite ne devait plus se prodiguer en public hors du théâtre, en sorte qu'elle resta enfermée. Pendant ce temps-là, Maître Joseph dormait sur l'une et l'autre oreille et laissait le seigneur américain compter les heures en attendant le dernier jour de la fiera. Les combinateurs eux-mêmes ne pensent pas à tout. Notre homme jugea que sa lévite mouchetée de noir lui pourrait servir quelques années encore, et au lieu de porter inutilement au fripier la pièce d'or destinée à l'acquisition d'un habit, il la serra précieusement dans son gilet. Ce mépris des convenances était une faute grave. Lorsque le seigneur capitaine vit son messager reparaître toujours semblable à une panthère, il en fut scandalisé d'abord, et puis ses soupçons s'éveillèrent. Je l'entendis murmurer entre ses dents « Je crois que cet homme est un coquin et un fourbe. »« N'en doutez pas, » dis-je tout bas, comme me parlant à moi-même. Aussitôt, l'Américain me regarda en face et ôta son chapeau. « Est-ce aussi votre opinion, monsieur ?» me demanda-t-il d'un ton presque poli. « Oui, monsieur, » répondis-je. « Votre situation me rappelle une scène de Shakespeare où l'on voit Iago promettre à Roderigo de faire agréer ses hommages à la belle Desdemona. » L'étranger jura dans sa barbe en style de marin, et frappant sur la table avec une canne de jonc, il commanda au garçon de lui amener l'homme tacheté de noir qui causait devant la porte avec des jeunes gens. Maître Joseph s'approcha en saluant comme un maître de danse. « Où est votre habit noir ?» lui dit l'Américain. « Excellence, je l'ai trouvé si beau que je le garde pour les dimanches. Allez le mettre sur le champ. Si vous revenez encore avec cette peau de bête, je saurai par là que vous vous êtes joué de moi, et je vous casserai ma canne sur les épaules. » Le combinateur ne se troubla point. L'expression de l'honnêteté injustement accusée répondit sur ses traits je ne sais quoi de sévère et de noble. « Si je m'étais joué de votre seigneurie, » dit-il en élevant la voix, « ce ne serait pas ce jonc léger qu'il faudrait me briser sur les épaules, ce serait le marbre de cette table. Ah, votre excellence doute de ma parole, de ma bonne foi, de mon zèle peut-être. « Eh bien, je lui ferai savoir quel homme est le véritable Joseph. Je vais le mettre, cet habit noir, que je réservais pour un jour plus solennel. Avec cette toilette neuve, que je dois à la générosité de votre seigneurie, je me rendrai immédiatement chez une personne que je n'ai pas besoin de nommer, et dans une heure, c'est bien entendu, dans une heure, je reviens chercher votre excellence pour la conduire où elle n'espérait aller que le dernier jour de la fiera. Après cela, qu'elle doute de moi, s'il lui plaît, je ne lui demanderai rien pour ma peine. » Joseph sortit d'un pas tragique, comme le fils de Thésée après avoir pris le jour à témoin de la pureté de son cœur. L'Américain demeura interdit. Et moi-même, je n'aurais trop su que penser si le dernier mot par lequel le combinateur déclarait renoncer à son salaire n'eût ouvertement blessé la vraisemblance. L'heure s'écoula, le quart d'heure de grâce à la suite, et Joseph ne revint pas. Au bout de 2 heures, l'Américain comprit qu'il était joué. Les promesses, les récits accompagnés de circonstances minutieuses, eurent enfin leur véritable caractère, celui de l'imposture. Maître Joseph, embrouillé dans ses propres filets, avait tranché la difficulté en partant pour Rome. Le dernier jour de la fiera, la moitié des étrangers avaient déjà fait comme le prudent combinateur. Dame Picelli, remarquant une baisse dans les recettes, plia bagage avec sa troupe. Un rassemblement se forma autour des artistes, qu'on regarda monter comme à l'assaut dans un grand voiturin traîné par 3 chevaux, dont un en arbalète, tous 3 maigres et osseux, mais parés de grelots, de plumes de paon et de papier doré avec un luxe qui semblait une raillerie barbare de leurs écorchures et de leurs infirmités. La Marietta, vive, joyeuse et pimpante, me tendit la main avant de monter dans ce carrosse. Elle ouvrit sa boîte de marchande ambulante et prit au hasard divers objets. « Je n'ai plus que faire de cela, » me dit-elle. « Acceptez un petit souvenir de notre rencontre. Voici un miroir, un peigne de poche et une brosse à ongles. »« C'est assez, c'est trop, Maria, » lui dis-je. Mais elle me priait d'accepter avec tant de grâce et de pétulance que je ne résistais plus. Au moment de m'embarquer, elle me glissa encore dans la poche 2 pains de savon et 12 douzaine de passe-lacets, et puis elle sauta sur le marchepied du coche, qui roula lourdement sur les cailloux en produisant un bruit de ferraille semblable à celui d'un caisson d'artillerie. Le seigneur américain, immobile et droit comme un peuplier, fumait son cigare et regardait les préparatifs et le départ de la compagnie comique. « Il est clair, » me dit-il quand le convoi eut disparu, « que l'homme tacheté de noir s'est moqué de moi. La Marietta n'a pas eu l'air de me connaître. » « Les combinateurs n'en font pas d'autres, » répondis-je. « Vous serez en droit de briser votre jonc sur les épaules de celui-ci la première fois que vous le rencontrerez. » « Je n'aurai jamais cette satisfaction. Demain, je pars pour Corfou, sur mon brick. Bonjour, monsieur. » « Et moi pour Venise, sur le pyroscaphe. Serviteur, monsieur. »